Chapitre 42. Pour quitter Sermeuse sans violence, noblement et froidement, il avait fallu à Madame Blanche des efforts surhumains et toute l'énergie de sa volonté. La plus épouvantable colère grondait en elle, pendant que, drapée de dignité mélancolique, elle murmurait des paroles de mansuétude et de pardon. Ah, si elle n'eût écouté que les inspirations de ses ressentiments! Mais son indomptable vanité l'enflammait de l'héroïsme du gladiateur, mourant dans l'arène, le sourire aux lèvres. Tombant, elle prétombait tomber avec grâce. « Nul ne me verra pleurer, personne ne m'entendra me plaindre, » disait-elle à son père, plus abattu qu'elle. « Sachez m'imiter. » Et dans le fait, elle fut stoïque à son retour au château de Courtaumont. Son visage, pâli, resta de marbre sous les regards des domestiques ébahis, qui semblait attendre l'explication de cette catastrophe inouïe. On m'appellera mademoiselle, comme par le passé, dit-elle d'un ton impérieux. Quiconque oublierait cet ordre serait renvoyé. Une femme de chambre l'oublia le soir même et prononça le mot défendu madame. La pauvre fille fut chassée sur l'heure, sans miséricorde, malgré ses protestations et ses larmes. Tous les gens du château étaient indignés. Espère-t-elle donc, disait-il, nous faire oublier qu'elle est mariée et que son mari l'a plantée là? Hélas, elle eût voulu l'oublier elle-même. Elle eût voulu anéantir jusqu'au souvenir de cette fatale journée du 17 avril qu'il l'avait vue jeune fille, épouse et veuve entre le lever et le coucher du soleil. Veuve? Ne l'était-elle pas par le fait? Seulement, ce n'était pas la mort qui lui avait ravi son mari. C'était, pensait-elle, une autre femme, une rivale. Une infâme et perfide créature, une fille perdue d'honneur, Marianne enfin. Et elle, cependant, ignominieusement abandonnée, dédaignée, repoussée, elle ne s'appartenait plus. Elle appartenait à l'homme dont elle portait le nom comme une livrée de servitude, qui ne voulait pas d'elle, qui la fuyait. Elle n'avait pas 20 ans et s'en était fait de sa jeunesse, de sa vie, de ses espérances, de ses rêves même. Le monde la condamnait sans appel ni recours à vivre seule, désolée, pendant que Martial, lui, libre de par les préjugés, étalerait au grand jour ses amours adultères. Alors elle connut l'horreur de l'isolement. Pas une âme à qui se confier en sa détresse, pas une voix attendrie pour la plaindre. Elle avait 2 amies préférées autrefois. Elles étaient inséparables au Sacré-Cœur, mais, sorties du couvent, elle les avait éloignées par ses hauteurs, ne les trouvant ni assez nobles ni assez riches pour elle. Elle en était réduite aux irritantes consolations de tante Médie, une brave et digne personne, certes, mais dont l'intelligence avait fléchi sous les mauvais traitements et dont les larmes banales coulaient aussi abondantes pour la perte d'un chat que pour la mort d'un parent. Vaillante, cependant, Madame Blanche se jura qu'elle refermerait en son cœur le secret de ses désespoirs. Elle se montra comme au temps où elle était jeune fille, elle porta audacieusement les plus belles robes de sa corbeille, elle dut se contraindre à paraître gaie et insouciante. Mais le dimanche suivant, ayant osé aller à la grand-messe au village de Sermeuse, elle comprit l'inanité de ses efforts. On ne la regardait pas d'un air surpris et haineux, mais on tournait la tête sur son passage, pour rire aux éclats. Elle put même entendre, en son état de demoiselle veuve, des colibés qui lui entrèrent dans l'esprit comme des pointes de fer rouge. On se moquait, elle était ridicule. Ce fut le comble. « Oh, il faudra qu'on me paye tout cela, » répétait-elle. Mais Madame Blanche n'avait pas attendu cette suprême injure pour songer à se venger, et elle avait trouvé son père prêt à la seconder. Pour la première fois, le père et la fille avaient été d'accord. Le duc de Sermeuse saura ce qu'il en coûte, disait monsieur de Courtaumieux, de prêter les mains à l'évasion d'un condamné et d'insulter ensuite un homme comme moi. Fortune politique, position, faveur, tout y passera. Je veux le voir ruiné, déconsidéré, à mes pieds. Tu verras, tu verras. Malheureusement pour lui, le marquis de Courtaumieux avait été malade 3 jours après les scènes de Sermeuse, et il avait perdu 3 autres jours à composer et à écrire un rapport qui devait écraser son ancien allié. Ce retard devait le perdre, car il permit à Martial de prendre les devants, de bien mûrir son plan et de faire partir pour Paris le duc de Sermeuse, habilement endoctriné. Que raconta le duc à Paris? Que dit-il au roi qui daigna le recevoir? Il démentit sans doute ses premiers rapports. Il réduisit le soulèvement de Montaignac à ses proportions réelles. Il présenta Lacheneur comme un fou et les paysans qui l'avaient suivi comme des niais inoffensifs. Peut-être donna-t-il à entendre que le marquis de Courtaumieux pouvait fort bien avoir provoqué ce soulèvement de Montaignac. Il avait servi Bonaparte. Il tenait à montrer son zèle, on savait des exemples. Il déplora, quant à lui, d'avoir été trompé par ce coupable ambitieux, rejeta sur le marquis tout le sang versé, et se porta fort de faire oublier ses tristes représailles. Il résulta de ce voyage que le jour où le rapport du marquis arriva à Paris, on lui répondit, en le destituant de ses fonctions de grand prévôt. Ce coup imprévu devait atterrer M. de Courtaumieux. Lui, si perspicace et si fin, si souple et si adroit, qui avait sauvé les apparences de son honneur de tous les naufrages, qui avait traversé les époques les plus troublées comme une anguille ses bourbes natales, qui avait su établir sa colossale fortune sur 3 mariages successifs, qui avait servi d'un même visage obséquieux tous les maîtres qui avaient voulu de ses services, lui, Courtaumieux, être joué ainsi? Car il était joué, il n'en pouvait douter. Il était sacrifié, perdu. Ce ne peut être ce vieil imbécile de duc de Sermeuse qui a manœuvré si vivement et avec tant d'adresse, répétait-il. Quelqu'un l'a conseillé, mais qui? Je ne vois personne. Qui? Madame Blanche ne le devinait que trop. De même que Marianne, elle reconnaissait le génie de Martial. Ah, je ne m'étais pas trompée, pensait-elle. Celui-là est bien l'homme supérieur que je rêvais. À son âge, jouer mon père, ce politique de tant d'expérience et d'astuce. Mais cette idée exaspérait sa douleur et attisait sa haine. Devinant Martial, elle pénétrait ses projets. Elle comprenait que s'il était sorti de son insouciance hautaine et railleuse, ce n'était pas pour la mesquine satisfaction d'abattre le marquis de Courtaumieux. C'est pour plaire à Marianne, pensait-elle avec des convulsions de rage. C'est un premier pas vers la grâce des amis de cette créature. Ah, elle peut tout sur son esprit, et tant qu'elle vivra, j'espérerai en vain. Mais patience. Elle patientait, en effet, sachant bien que qui veut se venger sûrement doit attendre, dissimuler, préparer l'occasion, mais ne pas violenter. Comment elle se vengerait, elle l'ignorait. Mais elle savait qu'elle se vengerait. Et déjà, elle avait jeté les yeux sur un homme qui serait, croyait-elle, l'instrument docile de ses desseins, et capable de tout pour de l'argent, Chupin. Comment le traître lui avait livré Lacheneur pour 20 000 francs, se trouva-t-il sur le chemin de Madame Blanche? Ce fut le résultat d'une de ces simples combinaisons des événements que les imbéciles admirent sous le nom de hasard. Bourrelé de remords, honni, conspué, maudit, pourchassé à coups de pierre quand il s'aventurait par les rues, suant de peur quand il songeait aux terribles menaces de Balstein, l'aubergiste piémontais, Chupin avait quitté Montaignac et était venu demander asile au château de Sermeuse. Il pensait, dans la naïveté de son ignominie, que le grand seigneur qui l'avait employé, qui l'avait convié au crime, qui avait profité de sa trahison, lui devait, outre la récompense promise, aide et protection. Les domestiques le reçurent comme une bête galeuse dont on redoute la contagion. Il n'y eut plus de place pour lui aux tables des cuisines, et les palefreniers refusaient de le laisser coucher dans les écuries. On lui jetait la pâtée comme à un chien, et il dormait au hasard dans les greniers à foin. Il supportait tout sans se plaindre, courbant le dos sous les injures, s'estimant encore heureux de pouvoir acheter à ce prix une certaine sécurité. Mais le duc de Sermeuse, revenant de Paris avec une politique d'oubli et de conciliation en poche, ne pouvait tolérer la présence d'un tel homme, si compromettant et chargé de l'exécration de tout le pays. Il ordonna de congédier Chupin. Le vieux braconnier résista, croyant deviner un complot de ses ennemis les domestiques. Il déclara d'un ton farouche qu'il ne sortirait de Sermeuse que de force, ou sur un ordre formel, de la bouche même du duc. Cette résistance obstinée, rapportée à M. de Sermeuse, le fit presque hésiter. Il tenait peu à se faire un implacable ennemi d'un homme qui passait pour le plus rancunier et le plus dangereux qu'il y eût à 10 lieues à la ronde. La nécessité du moment et les observations de Martial le décidèrent. Ayant mandé son ancien espion, il lui déclara qu'il ne voulait plus, sous aucun prétexte, le revoir à Sermeuse, adoucissant toutefois la brutalité de l'expulsion par l'offre d'une petite somme. Mais Chupin, d'un air sombre, refusa l'argent. Il alla prendre ses quelques hardes et s'éloigna en montrant le poing au château, jurant que si jamais un Sermeuse se trouvait au bout de son fusil, à la brune, il lui ferait passer le goût du pain. Il est sûr qu'il tint ce propos. Plusieurs domestiques l'entendirent. Ainsi expulsé, le vieux braconnier se retira dans sa masure, où habitaient toujours sa femme et ses deux fils. Il n'en sortait guère, et jamais que pour satisfaire son ancienne passion pour la chasse, qui survivait à tout. Seulement, il ne perdait plus son temps à s'entourer de précautions comme autrefois, pour tirer un lièvre ou quelques perdreaux. Sûr de l'impunité, il alla droit au bois de Sermeuse ou de Courtaumieu, tuait un chevreuil, le chargeait sur ses épaules, et rentrait chez lui en plein jour à la barbe des gardes intimidés. Le reste du temps, il vivait plongé dans le somnambulisme d'une demi-ivresse. Car il buvait toujours, et de plus en plus, encore que le vin, loin de lui procurer l'oubli qu'il cherchait, ne fit que donner une réalité plus terrifiante aux fantômes qui peuplaient son perpétuel cauchemar. Parfois, à la tombée de la nuit, les paysans qui passaient près de la masure entendaient comme un trépignement de lutte, des voix rauques, des blasphèmes et des cris aigus de femmes. C'est que Chupin était plus ivre que de coutume, et que sa femme et ses deux fils le battaient pour lui arracher de l'argent. Car il n'avait rien donné au sien du prix de la trahison. Qu'avait-il fait des 20 000 francs qu'il avait reçus en bel or? On ne savait. Ses fils supposaient bien qu'il les avait enterrés quelque part. Mais s'ils avaient beau se relayer pour épier leur père, l'ivrogne, plus rusé qu'eux, savait garder le secret de sa cachette. À grand-peine, à force de coups, se décidait-il à lâcher quelques louis. On savait ces détails dans le pays, et on voulait y reconnaître un juste châtiment du ciel. « Le sang de Lacheneur étouffera Chupin et les siens, » disaient les paysans. Ce fut par un des jardiniers de Courtaumieu que Madame Blanche connut d'abord toute cette histoire. Ne se sachant pas écouter par la fille de l'homme qui avait suscité et payé la trahison, ce jardinier racontait librement ce qu'il savait à deux de ses aides, et tout en parlant, il s'animait, rougissait d'indignation. « Ah, c'est une fière canaille que ce vieux !» répétait-il. « Il devrait être aux galères et non en liberté dans un pays de braves gens !» Dans ces imprécations, une bonne part retombait sur le marquis de Courtaumieu, mais Madame Blanche ne le remarquait seulement pas. Elle se recueillait, comprenant d'instinct une des lois immuables qui régissent les individus et ne saurait changer les plus habiles transactions sociales. Le crime, fatalement, attire le mépris, qui provoque la révolte et un nouveau crime. « Voilà bien l'homme qu'il te faudrait, » murmurait à l'oreille de Madame Blanche la voix de la haine. « Certes, mais comment arriver jusqu'à lui? Comment entrer en pourparler? » Aller chez Chupin, c'était s'exposer à être aperçu, entrant dans sa maison ou en sortant. Madame Blanche était trop prudente pour avoir seulement l'idée de courir un tel risque. Mais elle songea que, du moment où le vieux braconnier chassait, quelquefois dans les bois de Courtaumieu, il ne devait pas être impossible de l'y rencontrer. Par hasard. Ce serait, se dit-elle déjà toute décidée, l'affaire d'un peu de persévérance et de quelques promenades adroitement dirigées. Ce fut l'affaire de 2 grandes semaines et de tant de courses que tante Milie, l'inévitable chaperon de la jeune femme, en était sur les dents. « Encore une nouvelle lubie !» gémissait la parente pauvre, rendue de fatigue. « Ma pauvre nièce est décidément folle. » Pas si folle, car par une belle après-midi du mois de mai, dans les derniers jours, Madame Blanche aperçut enfin ce qu'elle cherchait. C'était dans la partie réservée du bois de Courtaumieu, tout près des étangs. Chupin s'avançait au milieu d'une large allée de chasse, le doigt sur la détente de son fusil. Il s'avançait à la manière des bêtes traquées, d'un pas muet et inquiet, tout ramassé sur lui-même comme pour prendre son élan, l'oreille au guet, le regard défiant. Ce n'est pas qu'il craignit les gardes, mon Dieu, ni un procès-verbal. Seulement, dès qu'il sortait, il lui semblait voir le Ballestin marchant dans son ombre, son couteau ouvert à la main. Reconnaissant Madame Blanche de loin, il voulut se jeter sous bois, mais elle le prévint et enflant la voix à cause de la distance. « Père Chupin ! » cria-t-elle. Le vieux maraudeur parut hésiter, mais il s'arrêta, laissant glisser jusqu'à terre la crosse de son fusil, et il attendit. Tante Médie était devenue toute pâle de saisissement. « D'où Jésus ? » murmura-t-elle en serrant le bras de sa nièce. « Pourquoi appeler ce vilain homme ? Je veux lui parler. « Comment, toi, Blanche, tu oserais ? Il le faut. « Non, je ne puis souffrir cela, je ne dois pas. « Oh, assez !» interrompit là la jeune fille, avec un de ses regards impérieux qui fondait comme cire les volontés de la pauvre parente. « Assez, n'est-ce pas ? » Et plus doucement. « J'ai besoin de causer avec lui, » ajouta-t-elle. « Toi, pendant ce temps, tante Mélie, tu vas te tenir un peu à l'écart. Regarde bien de tous les côtés. Si tu apercevais quelqu'un, n'importe qui, tu m'appellerais. Allons, va, tante, fais cela pour moi. » La parente pauvre, comme toujours, se résigna et obéit, et Madame Blanche s'avança vers le vieux braconnier, qui était resté en place, aussi immobile que les troncs d'arbres qui l'entouraient. « Eh bien, mon brave Chupin, commença-t-elle dès qu'elle fut à quatre pas de lui, vous voici donc en chasse ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Interrompit-il brusquement. « Car vous me voulez quelque chose, n'est-ce pas ? Vous avez besoin de moi. » Il fallut à Madame Blanche un effort pour dominer un mouvement d'effroi et de dégoût, ce qui n'empêche que c'est du ton le plus résolu qu'elle dit. « Eh bien oui, j'ai un service à vous demander. »« Ah ah ! Un très léger service, du reste, qui vous coûtera peu de peine et qui vous sera bien payé. » Elle disait cela d'un petit air détaché, comme si, véritablement, il ne se fût agi que de la moindre des choses. Mais, si bien que fût jouée son insouciance, le vieux maraudeur n'en parut pas dupe. « On ne demande pas des services si légers que cela à un homme comme moi, » fit-il brutalement. « Depuis que j'ai servi la bonne cause d'après mes moyens, selon qu'on me le demandait sur les affiches et au péril de ma vie, tout un chacun se croit le droit de venir, argent en main, me marchander des infamies. C'est vrai que les autres m'ont payé, mais tout l'heure qu'ils m'ont donné, je voudrais pouvoir le faire fondre et le leur couler brûlant dans le ventre. Allez, je sais ce qu'il en coûte aux petits d'écouter les paroles des gros. Passez votre chemin, et si vous avez des abominations en tête, faites-les vous-même. » Il remit son fusil sur l'épaule, et il allait s'éloigner quand une inspiration soudaine, véritable éclair de haine, illumina l'esprit de Madame Blanche. « C'est parce que je sais votre histoire, prononça-t-elle froidement, que je vous arrêtais. J'imaginais que vous me serviriez volontiers, moi qui allais sermeuse. » Cet aveu cloua sur place le vieux braconnier. « Je crois bien, en effet, dit-il, que vous haïssez les sermeuses en ce moment. Ils vous ont planté là sans gêne, tout comme moi. Seulement, eh bien, avant un mois vous serez réconciliés, et qui paiera les frais de la guerre et de la paix ? Toujours Chupin, le vieil imbécile. » Jamais ! Le traître cherchait des objections, mais il était ébranlé. Grommela-t-il. Jamais, il ne faut dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Enfin, si je vous aidais, comment reviendrait-il ? Je vous donnerai ce que vous me demandez. De l'argent, de la terre, une maison. Grand merci, je veux autre chose. Quoi, faites vos conditions. Chupin se recueillit un moment, puis d'un air grave. Voilà la chose, répondit-il. J'ai des ennemis, un surtout. Bref, je ne me sens pas en sûreté dans ma masure. Mes fils me cognent quand j'ai bu pour me voler. Ma femme est bien capable d'empoisonner mon vin. Je tremble pour ma peau et pour mon argent. Cette existence ne peut durer. Promettez-moi un asile au château de Courtaumieux après l'affaire, et je suis à vous. Chez vous, je serai gardé, et j'oserai boire à ma soif et autrement que d'un œil. Mais entendons-nous, je ne peux pas être maltraité par les domestiques comme à Sermeuse. Il sera fait ainsi que vous le désirez. Jurez-moi cela sur votre part de paradis. Je le jure. Tel était l'accent de sincérité de la jeune femme que Chupin en fut rassuré. Il se pencha vers elle et d'une voix sourde. « Maintenant, fit-il, contez-moi votre affaire. ses petits yeux étincelaient d'une infernale audace, ses lèvres minces se serraient entre ses dents aiguës. Il s'attendait à quelque proposition de meurtre, et il était prêt. Cela ressortait si clairement de son attitude que Madame Blanche en frissonna. « Véritablement, reprit-elle, ce que j'attends de vous n'est rien. Il ne s'agit que d'épier, de surveiller adroitement le marquis de Sermeuse, Martial. »« Votre mari ?»« Oui, mon mari. Je veux savoir ce qu'il devient, ce qu'il fait, où il va, quelle personne il voit. Il me faut l'emploi de son temps, de tout son temps, minute par minute. » On eût dit, à voir la figure étonnée de Chupin, qu'il tombait des nues. « Quoi ? » bégaya-t-il. « Sérieusement, franchement, c'est tout ce que vous me demandez ?»« Pour l'instant, oui, mon plan n'est pas fait. Plus tard, selon ce que vous me rapporterez, j'agirai. » La jeune femme ne mentait qu'à demi. Entre tous les projets de vengeance qui s'étaient présentés à son esprit, elle hésitait encore. Ce qu'elle taisait, c'est qu'elle ne faisait épier Martial que pour arriver à Marie-Anne. Elle n'avait pas osé prononcer devant le traître le nom de la fille de Lacheneur. Ayant livré le père au bourreau, n'hésiterait-il pas à s'attaquer à la fille? Madame Blanche le craignait. Une fois qu'il sera engagé, pensa-t-elle, ce sera tout différent. Cependant, le vieux maraudeur était remis de sa surprise. « Vous pouvez compter sur moi, dit-il, mais il me faut un peu de temps. » « Je le comprends. Nous sommes aujourd'hui samedi. Jeudi, saurez-vous quelque chose ?»« Dans 5 jours. » « Oui, probablement. » « En ce cas, soyez ici jeudi à 7 heures-ci. Vous m'y trouverez. » Un cri de tante Médie l'interrompit. « Quelqu'un, dit-elle à Chupin. Il ne faut pas qu'on nous voie ensemble. Vite, sauvez-vous. » D'un bond, l'ancien braconnier franchit l'allée et disparut dans un taillis. Il était temps. Un domestique de Courtaumieux venait d'arriver près de tante Médie, et Madame Blanche le voyait de loin parler avec une grande animation. Rapidement, elle s'avança. « Ah, madame, c'est-à-dire mademoiselle, s'écria le domestique. Voici plus de 3 heures qu'on vous cherche partout. Votre père, monsieur le marquis, mon Dieu, quel malheur! On est allé quérir le médecin. » « Mon père est mort ? » « Non, mademoiselle, non. Seulement, comment vous dire cela ? Quand monsieur le marquis est parti ce matin pour surveiller les façons de ses vignes, il était tout chose, n'est-ce pas, tout drôle. Eh bien, quand il est revenu... » Du bout de l'index, tout en parlant, le domestique se touchait le front. « Vous m'entendez bien, n'est-ce pas ? Quand il est rentré, la raison n'y était plus. Parti, envolé. »« Courons !» interrompit Madame Blanche. Et sans attendre tante Médie terrifiée, elle s'élança dans la direction du château. « Monsieur le marquis » demanda-t-elle au premier valet qu'elle aperçut sous le vestibule. « Il est dans sa chambre, mademoiselle. On l'a couché. Il est un peu plus tranquille maintenant. » Déjà, la jeune femme arrivait à la chambre du marquis. Il était assis sur son lit, les manches de sa chemise arrachées, et deux domestiques guettaient ses mouvements. Sa face était livide, avec de larges marbrures bleuâtres aux joues. Ses yeux roulaient, égarés sous leurs paupières bouffes, et une écume blanchâtre frangeait ses lèvres. Des mèches de ses cheveux rares collées sur son front ajoutaient encore à l'effrayante expression de sa physionomie. La sueur à grosses gouttes coulait de son visage, et cependant il grelottait. Par moments, un spasme le tordait et le secouait plus rudement que le vent de décembre ne tord et ne secoue les branches mortes. Il gesticulait furieusement, en criant des paroles incohérentes, d'une voix tour à tour sourde ou éclatante. Cependant, il reconnut sa fille. « Te voilà, fit-il, je t'attendais. » Elle restait sur le seuil, toute saisie, quoiqu'il ne fût certes ni tendre ni impressionnable. « Mon père, balbutiait-elle, mon Dieu, que vous est-il arrivé ? » Le marquis riait d'un rire strident. « Ah, répondit-il, je l'ai rencontré. Voilà, il fallait bien que cela finisse ainsi. Ah, tu doutes, puisque je te dis que je l'ai vu, le misérable. Je le connais bien, peut-être, moi qui, depuis un mois, ai continuellement devant les yeux sa figure maudite. Car elle ne me quitte pas, elle ne me quitte jamais. Je l'ai vu, c'était en forêt près des roches de Sanguille. Tu sais, là où il fait toujours sombre, à cause des grands arbres. Je revenais lentement, pensant à lui, quand tout à coup, brusquement, il s'est dressé devant moi, étendant ses bras pour me barrer le passage. « Allons, m'a-t-il crié, il faut venir me rejoindre. » Il était armé d'un fusil, il m'a couché en joue et il a fait feu. Le marquis s'interrompant, Madame Blanche réussit enfin à prendre sur soi de s'approcher de lui. Durant plus d'une minute, elle attacha sur lui ce regard froid et persistant, qui, dit-on, dompte les fous, puis lui secoua violemment le bras. « Revenez à vous, mon père, » dit-elle d'une voix rude. « Comprenez que vous êtes le jouet d'une hallucination. Il est impossible que vous ayez vu l'homme que vous dites. » Quel homme croyait avoir aperçu Monsieur de Courtornieu? La jeune femme ne le devinait que trop, mais elle n'osait, elle ne pouvait prononcer son nom. Le marquis, cependant, continuait en phrase haletante. « Ai-je donc rêvé ? Non, c'est bien Lacheneur qui m'est apparu. J'en suis sûr. Et la preuve, c'est qu'il m'a rappelé une circonstance de notre jeunesse, connue seulement de lui et de moi. C'était pendant la Terreur, en 93. Il était tout puissant à Montaignac, moi j'étais poursuivi pour avoir correspondu avec les immigrés. Mais bien les être confisqués, je croyais déjà sentir la main du bourreau sur mon épaule, quand Lacheneur, le brigand, me recueillit chez lui. Il me cacha le misérable. Il me fournit un passeport, il sauva ma fortune et sauva ma tête. Moi je lui ai fait couper le cou. Voilà pourquoi je l'ai revu. Je dois le rejoindre, il me l'a dit. Je suis un homme mort. » Il se laissa retomber sur ses oreillers, releva le drap par-dessus sa tête, et demeura tellement immobile et roide que, véritablement, on eût pu croire que c'était un cadavre dont la toile dessinait vaguement les contours. Muets d'horreur, les domestiques échangeaient des regards effrayés. Tant d'infamies devaient les confondre, incapables qu'ils étaient de soupçonner quels calculs atroces pour faire éclore l'ambition dans une âme de boue. Pouvaient-ils se douter que jamais Monsieur de Courtornieu n'avait pardonné à Lacheneur de l'avoir sauvé? Cela était cependant. Seule Madame Blanche conservait sa présence d'esprit au milieu de tous ces gens éperdus. Elle fit signe au valet de chambre de Monsieur de Courtornieu de s'avancer, et à voix basse. « Il est impossible qu'on ait tiré sur mon père, » dit-elle. « Je vous demande pardon, mademoiselle, et même peu s'en est fallu qu'on ne l'ait tué. Comment le savez-vous ? » En déshabillant monsieur le marquis, je remarquai qu'il avait à la tête une éraflure qui saignait. J'ai aussitôt examiné sa casquette, et j'y ai constaté deux trous qui ne peuvent avoir été faits que par des chevrotines. Le digne valet de chambre était certes bien plus ému que la jeune femme. « On aurait donc tenté d'assassiner mon père, » murmura-t-elle. « Et la frayeur expliquerait cet accès de délire ? Comment savoir qui a osé ce crime ?» Le domestique hocha la tête. « Je soupçonne, dit-il, ce vieux maraudeur qui vient tuer nos chevreuils en plein jour, jusque sous nos fenêtres. Mademoiselle le connaît, Chupin. » « Non, ce ne peut être lui. » « Ah, j'en mettrai pourtant la main au feu. Il n'y a que lui dans la commune capable de ce mauvais coup. » Madame Blanche ne pouvait dire quelle raison lui affirmait l'innocence du vieux maraudeur. Pour rien au monde, elle n'eût avoué qu'elle l'avait rencontré à plus d'une lieue du théâtre du crime, qu'elle l'avait arrêté, qu'elle avait causé avec lui plus d'une demi-heure, enfin qu'elle le quittait à l'instant. Elle se tut, aussi bien le médecin arrivait. Il découvrit, il dut presque employer la force, le visage de Monsieur de Courtornieu, l'examina longtemps, les sourcils froncés, puis, brusquement, coup sur coup, ordonna des sinapismes, des applications de glace sur le crâne, des sangsues, une potion qu'il fallait vite et vite courir chercher à Montaignac. Tout le monde perdait la tête. Quand le médecin se retira, Madame Blanche le suivit sur l'escalier. « Eh bien, docteur, » interrogea-t-elle. Il eut un geste équivoque et d'une voix hésitante. « On se remet de cela, » répondit-il. Mais qu'importait à cette jeune femme que son père se rétablit ou mourût? Elle devait suivre d'un œil sec toutes les phases de cette maladie, la plus affreuse qui puisse terrasser un homme. Ce qui n'empêche que sa conduite fut citée. Elle avait senti que si elle voulait mettre Martial dans son tort, elle devait ramener l'opinion et s'improviser une réputation toute différente de l'ancienne. Se faire un piédestal où elle poserait en victime résignée, lui souriait. L'occasion était admirable, elle la saisit. Jamais fille dévouée ne prodigua à un père plus de soins touchants, plus de délicates attentions. Impossible de la décider à s'éloigner une minute du chevet du malade. C'est à peine si, la nuit, elle consentait à dormir une couple d'heures sur un fauteuil, dans la chambre même. Mais pendant qu'elle restait là, jouant ce rôle de sœur de charité qu'elle s'était imposé, sa pensée suivait Chupin. Que faisait-il à Montaignac? Épiait-il Martial ainsi qu'il l'avait promis? Comme le jour qu'elle avait fixé était lent à venir? Il vint enfin ce jeudi tant attendu, et sur les 2 heures, après avoir bien recommandé son père à tante Médie, Madame Blanche s'échappa et d'un pied fiévreux courut au rendez-vous. Le vieux maraudeur l'attendait, assis sur un arbre renversé. Il avait presque la physionomie d'autrefois. Depuis 5 jours qu'il avait une préoccupation, il avait presque cessé de boire, et son intelligence se dégageait des brouillards de l'ivresse. « Parlez, lui dit Madame Blanche. Volontiers. Seulement je n'ai rien à vous conter. Ah, vous n'avez pas surveillé le marquis de Sermeuse? Votre mari? Faites excuse. Je l'ai suivi comme son ombre. Mais que voulez-vous que je vous en dise? Depuis le voyage du duc de Sermeuse à Paris, c'est monsieur Martial qui commande. Ah, vous ne le reconnaîtriez plus. Toujours en affaire maintenant. Dès le potron minet, il est debout. Il se couche comme les poules. Toute la matinée, il écrit des lettres. Dans l'après-midi, il reçoit tout ce qui se présente. Lui qui était haut comme le temps autrefois, il fait le pas fier, le bon enfant, le câlin. Il donne des poignées de main au premier venu. Les officiers à demi-solde sont à peau et à feu avec lui. Il en a déjà replacé 5 ou 6. Il a fait rendre la pension à 2 autres. Jamais il ne sort, jamais il ne va en soirée. Il s'arrêta, et pendant un bon moment, la jeune fille garda le silence, émue et confuse de la question qui lui montait aux lèvres. Quelle humiliation! Mais elle surmonta sa honte, et plus rouge que le feu, détournant un peu la tête. « Il est impossible qu'il n'ait pas une maîtresse, » dit-elle. Chupin éclata de rire. « Nous y voici donc, » fit-il avec une si outrageante familiarité que la jeune fille en fit révolter. « Vous voulez parler de la fille de ce scélérat de Lacheneur, n'est-ce pas? De cette coquine effrontée de Marianne ?» À l'accent haineux de Chupin, Madame Blanche comprit l'inutilité de ses ménagements. Elle ignorait encore que l'assassin exècre sa victime uniquement parce qu'il l'a tuée. « Oui, répondit-elle, c'est bien de Marianne que j'entendais parler. » « Eh bien, ni vu ni connu. Il faut qu'elle ait filé la gueuse, avec un autre de ses amants, Maurice d'Escorval. » « Vous vous trompez. » « Oh, pas du tout. De tous ces Lacheneurs, il n'est resté ici que le fils Jean, qui vit comme un vagabond qu'il est, de pillage et de vol. Nuit et jour, il erre dans les bois, le fusil sur l'épaule. Il est effrayant à voir, maigre autant qu'un squelette, avec des yeux qui brillent comme des charbons. S'il me rencontrait jamais, celui-là, mon compte serait vite réglé. » Madame Blanche avait pâli. C'était Jean Lacheneur qui avait tiré sur le marquis de Courtornieu. Elle n'en doutait pas. « Eh bien, moi, dit-elle, je suis sûre que Marianne est dans le pays, à Montaignac, probablement. Il me la faut, je la veux. Tâchez d'avoir découvert sa retraite lundi, nous nous retrouverons ici. »« Je tâcherai, » répondit Chupin. Il chercha, en effet, et avec ardeur, déployant toute son adresse. En vain. D'abord, toutes ses démarches étaient paralysées par les précautions qu'il prenait contre Balstein, et contre Jean Lacheneur. D'un autre côté, personne dans le pays n'eût consenti à lui donner le moindre renseignement. Toujours rien, disait-il à Madame Blanche à chaque entrevue. Mais elle ne se rendait pas. La jalousie ne se rend jamais, même à l'évidence. Madame Blanche s'était dit que Marianne lui avait enlevé son mari, que Martial et elle s'aimaient, qu'ils cachaient leur bonheur aux environs, qu'ils la raillaient et la bravaient. Donc cela devait être, encore que tout lui démontrât le contraire. Un matin, cependant, elle trouva son espion radieux. « Bonne nouvelle !» lui cria-t-il dès qu'il l'aperçut. « Nous tenons enfin la coquine !»